volé un bic. Jamais. Et un briquet. Et un petit savon dans un hôtel. Hein? Alors, pourquoi on volerait pas une musique? La copie, c'est du meurtre.